cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le 23 mai 1848, alors que l'esclavage vient d'être aboli, le gouverneur de la Martinique, le général Claude Rostolan, déclare « Il n'y a plus parmi nous de libres ni d'esclaves. La Martinique ne porte plus aujourd'hui que des citoyens. Je recommande à chacun d'oublier le passé. Oublier le passé, jamais, évidemment, sous peine de ne pouvoir vivre le présent, encore moins le futur. L'esclavage, une histoire française, mais qu'en est-il des hommes et des femmes de couleur ? En France, Paris, Nantes ou encore Bordeaux, avant l'abolition de l'esclavage. Doane Bouy, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de l'Obs, ce magazine. Co-rédactrice en chef de ce hors-série L'esclavage, effectivement. Le co-rédactrice sur ce hors-série L'esclavage, une histoire française. Et j'évoquais ces quelques mots prononcés par le gouverneur de la Martinique au moment de l'abolition de l'esclavage en 1848, qui dit « Oubliez le passé ». Vous commencez aussi par cela dans votre éditorial de ce hors-série. Pourquoi cette importance de réfléchir aujourd'hui à l'esclavage? Ce sont les 20 ans de la loi Taubira, en fait, qui nous poussent à nous poser cette question. Vous savez, c'est Faulkner qui disait « Past is never past ». Et c'est vrai que le passé, si on l'oublie et si on l'efface à la gomme, en fait, il ne peut pas passer. On l'a vu l'an dernier avec tout ce mouvement mondial, hein, dans le sillage de Black Lives Matter, des statues déboulonnées. Il y a une volonté, en fait, de connaître mieux notre histoire collective. Ces mots du gouverneur de Martinique qui nous ont semblé très frappants, je recommande à tous l'oubli, puisque c'est vrai que finalement, il y a eu cet oubli qui a été orchestré par les institutions, par l'État, puisque la République française, en fait, s'est construite sur l'abolition. Donc, en fait, c'est un peu comme si elle commençait par la fin de l'esclavage, tout en occultant tout ce qu'il y avait avant. J'ai réouvert le petit Lavis, ce manuel qui était la Bible de la Troisième République. Et c'est pareil, en fait. On parle de l'abolition, on parle de la colonisation, parce que justement la France déteste l'esclavage et veut abolir l'esclavage en Afrique, et c'est ça qui justifie la colonisation. Mais il n'y a pas un seul mot sur la traite atlantique et le fait que la France a déplacé 1,4 million d'esclaves. Donc, et que effectivement ces esclaves, ces hommes de couleur, ils étaient présents également également dans l'Hexagone. Donc c'était quelque chose qui était visible. Mais c'est un peu comme si on avait effacé ça de notre mémoire collective. Alors évidemment, la loi Taubira a été un pas important qui a permis à la fois de reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité et aussi de l'inscrire dans les programmes. Mais encore aujourd'hui, on est frappé en ouvrant des manuels modernes, je prends par exemple des manuels de seconde, de voir évoquer Colbert et la politique mercantiliste de Colbert sans même expliquer très clairement qu'est-ce que ça veut dire le mercantilisme. Et ça veut dire le commerce, mais le commerce aussi d'êtres humains. Et ça nous semble assez décalé, vu justement toutes les polémiques qu'il y a eu autour des statues de Colbert. Alors, il ne s'agit pas de déboulonner les statues, mais il s'agit de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces statues. Et c'est vrai que quand on voit une statue de Colbert, est-ce que savoir que Colbert est celui qui a promulgué le Code Noir, savoir qu'est-ce que c'est le Code Noir, est-ce que c'est pas aussi, ça fait partie de notre histoire. Et bon, ça nous semble crucial qu'on fasse ce travail, alors pas du tout pour diviser, mais au contraire pour nous rassembler autour de cette histoire commune. Avec ce verbe que vous utilisez, savoir, le savoir est essentiel, Doane Bouy, vous avez bien raison. Et puis vous citez le Lavis, évidemment, depuis les choses ont évolué, nous pouvons faire confiance sur le travail des enseignants, des enseignantes, pour parler, pour évoquer cette question de la traite, de l'esclavage. Et puis, il y a, mais c'est une évidence dès qu'on parle de cette question, questions-là, une utilisation politique de ces questions historiques. Par exemple, quelque chose qui est récurrent de Anne Buis, co-rédactrice en chef pour ce hors-série de l'Obs, Esclavage, une histoire française. Vous le savez tout de suite, dès qu'il est question de la traite, il y a sur les réseaux sociaux ce discours de dire « Oui, mais il n'y avait pas que la traite faite par les Européens, il y avait aussi l'esclavage dans le monde arabo-musulman ». Et donc, là aussi, il y a toute une réflexion que vous conduisez dans ce hors-série. Alors, c'est amusant parce qu'effectivement, en fait, à chaque fois qu'on évoque la responsabilité de la France, qu'on fait un article sur le port de Nantes, qu'on évoque la France en tant que puissance esclavagiste, on est bombardé de réactions sur le thème « Vous n'osez pas parler de la traite arabo-musulmane ». Bon, c'est d'abord faux, puisque justement, dans ce hors-série, nous avons consacré aussi un article à la traite arabo-musulmane. Et l'argument me paraît spécieux aussi, puisque, en fait, c'est pourquoi, en fait, parce qu'il y a eu la traite arabo-musulmane, on devrait s'interdire d'évoquer la responsabilité de la France. Il ne s'agit pas, là encore, de faire de la repentance, puisque c'est ça qui est souvent reproché, en fait, quand on évoque, qu'on utilise même juste ce terme de France esclavagiste ou France de l'esclavage. Il s'agit juste d'ouvrir les yeux sur notre passé. Parce qu'en fait, on se rend compte finalement que dans notre mémoire collective, si on regarde, il y a eu quelques romans, mais il y a quelques films, mais finalement pas tant que ça. Dans notre mémoire collective, quand on dit esclavage, on voit tout de suite les plantations américaines. Et on s'est tout de suite lié aux États-Unis. En fait, c'est comme si... Et l'esclavage reste quelque chose de périphérique. On connaît très, très, très mal l'histoire de Saint-Domingue devenue Haïti, alors qu'elle est quand même directement liée à notre histoire française, à l'histoire de la Révolution, notamment, qui est quand même un point majeur de notre histoire. Donc, en fait, oui, on a relégué ça à la périphérie. C'est devenu un sujet marginal. Et d'ailleurs, c'est vrai que les enseignants font un travail remarquable sur ce sujet. Je pense notamment au concours de la Flamme de l'égalité qui a été lancé par la Fondation de la mémoire pour l'esclavage, auquel 200, 300, 400 classes participent chaque année et qui font des choses extraordinaires sur le sujet. Mais là encore, là, si je reviens là juste sur les programmes, même si effectivement l'esclavage a été inscrit dans les programmes, plusieurs historiens et chercheurs ont regardé très près l'évolution de ces programmes et se sont rendus compte que, en fait, dans certains niveaux, notamment le niveau lycée, il y avait presque une régression en fait dans la façon dont ils avaient été enseignés, parce que bon, évidemment, le programme est très lourd et qu'il y avait notamment une distorsion assez étrange entre les programmes de lycées généraux et les programmes de lycées professionnels. Ce qui interroge, en fait, parce que est-ce qu'on ne doit pas apprendre la même histoire ? C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de l'esclavage est mieux enseignée dans les lycées professionnels que dans les lycées généraux. Ce qui pose quand même une véritable question. Et c'est vrai que dans les lycées généraux, dans le programme de seconde, notamment, j'évoquais tout à l'heure le chapitre sur Colbert qui va, en fait, qui très très vite sur la traite. Bon, pourquoi, en fait, ces omissions, on peut se poser la question. Et justement, je disais justement l'intérêt de tous ces travaux d'historiens, d'historiennes qui complètent un peu à peu notre savoir sur l'esclavage et puis sur la considération que l'on doit accorder à l'ampleur de ce phénomène. Réflexion qui, aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous conduit à réfléchir à la présence des hommes, des femmes de couleur en France, au sens sur le territoire métropolitain de la France, parce que nous sentons bien que les champs de recherche évoluent avec nous aujourd'hui. Julie Duprat, bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste, paléographe, conservatrice des bibliothèques, et justement, vous étudiez la présence noire à Bordeaux, ça c'est le sujet de votre thèse qui va bientôt être publiée d'ailleurs, on l'attend, chez Mola, ça tombe bien, Bordeaux, la grande librairie. Mais il y a ici, dans la réflexion que nous pouvons avoir sur l'historiographie, pour prendre un mot compliqué, mais sur l'histoire même de l'histoire de l'esclavage, plusieurs angles. l'abolition a été étudiée. Maintenant, il y a de plus en plus de réflexions sur l'esclavage lui-même. Mais alors, sur la présence des personnes de couleur en France, là, nous sommes sur un champ de recherche qui est beaucoup plus réduit. Alors, c'est beaucoup plus réduit, mais je tiens quand même à rappeler que mes travaux, ils sont pas neufs du tout. Ça fait quand même à peu près 15 ans, 20 ans qu'on travaille sur la question, en tout cas que les chercheurs travaillent sur cette question en France. On a notamment Éric Noël, qui est assez connu autour de cette question, et lui qui a travaillé autour des présences noires en France depuis à peu près 15, 20 ans, et qui a encadré de nombreux travaux de jeunes chercheurs. Il y a également d'autres personnes qui se sont déjà penchées sur cette question. Dès 1958, il y a eu un Master 2 sur les gens de couleur à Bordeaux, qui a été fait par Léo Elisabeth. Donc voilà, c'est quand même, il y avait de base des recherches qui ont été effectuées autour de la question. Non mais c'est bien de le souligner, hein, cette question de temporalité. Il y a la temporalité de la recherche universitaire, la temporalité du passage de cette recherche, eh bien, notamment dans les médias, et puis après, peut-être dans une réflexion plus globale. Eh bien justement, Julie Duprat, sur cette présence avant l'abolition de l'esclavage de personnes de couleur, de noirs, dans nos ports par exemple, il y a quelque chose qui, je ne le cache pas, moi m'a étonné au cours de mes recherches, j'ai découvert ça. Il y avait, par exemple à Bordeaux, au XVIIIe siècle, beaucoup de noirs. Est-ce qu'on arrive à chiffrer d'ailleurs ? Oui, on arrive à chiffrer justement parce qu'on a été plusieurs historiens à travailler sur la question et à faire du coup une synthèse en rassemblant toutes nos données respectives. Et le chiffre qu'on a, c'est 18 000 personnes de couleur qui arrivent en France entre le début du 18e siècle et le début du 19e siècle. Et donc, au sein de ces 18 000 personnes, on a majoritairement des esclaves, mais également ce qu'on appelle des libres de couleur, c'est-à-dire des personnes qui sont identifiées comme étant d'origine africaine ou afrodescendante, mais qui pourtant ont un statut de libre. Voilà. Statut de libre en France, mais aussi esclave. Alors, c'est la question de l'esclavage extrêmement complexe. En Europe même, Julie Duprat, quel est le statut accordé à un esclave ? Parce que nous considérons que ce n'est pas possible qu'il y ait un esclave sur notre territoire. Oui. Alors ça, c'est une idée qui est assez largement, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de gens qui se font cette idée que l'esclavage en France métropolitaine était interdit ou n'avait pas lieu. Ça, c'est une idée préconçue qui est fondée en fait sur une jurisprudence médiévale qui était assez favorable, en tout cas, aux affranchissements d'esclaves à la fin du Moyen-Âge. Sauf qu'évidemment, c'est une position qui va complètement changer lorsque la France va acquérir son premier empire colonial, va s'implanter notamment aux Antilles, qu'elle va du coup participer à la fois à la traite atlantique et puis à l'exploitation des corps noirs dans les plantations agricoles. Et donc, du coup, ce changement de paradigme politique, social, économique, va faire qu'il va y avoir, en fait, des nouvelles lois qui vont être promulguées pour justifier l'esclavage en métropole, en tout cas justifier le fait qu'on puisse arriver esclave en métropole et repartir en conservant ce statut-là. Donc ça, c'est des changements législatifs qui ont été notamment poussés par ce qu'on appelle les lobbies coloniaux, donc les planteurs, les colons, qui eux, évidemment, n'étaient pas favorables au fait d'amener de force avec eux un esclave en métropole et qu'il soit affranchi du fait de son arrivée dans l'Hexagone. Et donc, du coup, on observe que dès le début du XVIIIe siècle, on a des lois qui vont être promulguées pour justement encadrer la venue des esclaves en métropole et garantir qu'ils gardent ce statut-là, malgré, après, un retour aux colonies. D'ailleurs, en regardant leur destin, on arrive à savoir pourquoi ils arrivent ici. C'est-à-dire que nous avons des colons qui décident de revenir et qui viennent avec, dans leur bagage, un esclave parce que, depuis le Code noir, eh bien, ces personnes sont considérées comme des meubles, tout simplement. C'est ça. Alors en fait, la grande majorité des personnes de couleur qui vont arriver en France, ça va pas être un voyage volontaire. Elles vont surtout arriver en fait pour accompagner les colons en tant que domestiques, à la fois durant le moment de la traversée qui dure quand même assez longtemps, et puis également une fois qu'elles sont donc sur France, sur place en France. C'est un séjour qui va être plus ou moins long. Il y a une partie des colons qui repartent aussitôt, après quelques semaines, quelques mois, après avoir fait affaire. Et puis, il y en a par contre qui vont rester beaucoup plus longtemps en France. Et du coup, des esclaves vont rester parfois 10, 15, 20, 30 ans sur le territoire métropolitain. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une réalité qu'il faut avoir en tête. Et alors, que font ces esclaves quand ils sont en France ? Eh bien, écoutez, il n'y a qu'à regarder les sources. Le tableau de Paris en 1781 de Louis-Sébastien Mercier. Le singe, dont les femmes raffolaient, admis à leur toilette, appelé sur leurs genoux, a été relégué dans les antichambres. La perruche, la levrette, l'épagneul, l'angora, ont obtenu tour à tour un rang auprès de l'abbé, du magistrat et de l'officier. Mais ces êtres chéris ont tout à coup perdu de leur crédit et les femmes ont pris de petits nègres. Ces noirs africains n'effarouchent plus les regards d'une belle. Ils sont nés dans le sein de l'esclavage. Mais qui n'est pas esclave auprès de la beauté? Le petit nègre n'abandonne plus sa tendre maîtresse. Brûlé par le soleil, il n'en paraît que plus beau. Il escalade les genoux d'une femme charmante qui le regarde avec complaisance. Tandis que l'enfant noir vit sur les genoux des femmes passionnées pour son visage étranger, son nez aplati, qu'une main douce et caressante punit ses mutineries d'un léger châtiment, bientôt effacé par les plus vives caresses, son père gémit sous les coups de fouet d'un maître impitoyable. Le père travaille péniblement ce sucre que le négrillon boit dans la même tasse avec sa riante maîtresse. Olivier Martineau qui disait dans le cours de l'histoire un extrait du tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, donc nous sommes en 1781, le chapitre Petit Nègre. Alors il se glisse avec les chapitres Petit Chien, Perroquet. Julie Duprat, c'est vraiment ça aussi un regard que l'on peut porter sur la présence des personnes de couleur en France, personnes de compagnie, ornement. Oui, clairement. Dans le fait d'avoir un esclave noir comme domestique, il y a clairement une fonction de représentation. D'ailleurs, on observe que dans les fonctions qui leur sont attribuées, ben voilà, c'est beaucoup des fonctions de représentation, notamment lorsque les élites reçoivent. Mais ce qui est également intéressant dans le passage qu'on vient de lire, c'est qu'on se rend compte que cette fonction de domestique, elle allait souvent de pair aussi avec une exploitation sexuelle, puisqu'on sait que beaucoup, notamment de ces enfants noirs esclaves, ben, pouvaient être utilisé sexuellement, comme là d'ailleurs on le, enfin voilà, c'est sous-entendu dans ce texte, mais c'était voilà, c'est assez fort, et il faut également souligner, c'était pas une fonction de représentation qui ça allait également avec de la violence au sein de ces familles. Si nous nous promenons dans les rues, alors de Bordeaux peut-être, de Nantes évidemment, pourquoi pas du Havre et de Paris, Julie Duprat, il est possible de voir des personnes de couleur. Ce n'est pas quelque chose qui est une surprise absolue. Non, absolument pas. C'est notamment une surprise qu'on peut voir que dans les représentations picturales de l'époque, très régulièrement, dans des scènes de foule, par exemple, on va avoir des esclaves, plutôt des esclaves, ou des libres de couleur qui sont représentés. Et d'ailleurs, on peut les voir assez facilement parce que c'est des populations qui vont être amenées se balader en ville pour tout un tas de raisons, que ce soit pour accompagner les maîtres, que ce soit également lorsqu'ils sont artisans, ça peut arriver. Donc, dans ce cas-là, la ville et leur cadre de travail. Et donc on va pouvoir les voir à l'œuvre, que ça soit en perruquerie, dans l'artisanat du bois, l'artisanat de la toile, tout un tas de choses. Donc non, ce n'est pas une surprise. Et d'ailleurs, c'est d'autant moins une surprise qu'on peut voir que les voyageurs de l'époque, quand ils se rendent dans les villes dans lesquelles il y a pas mal de personnes de couleur, souvent ils mentionnent « j'ai vu telle personne, j'ai remarqué ça ». Donc non, ce n'est pas du tout une surprise. C'est remarqué par tous les contemporains de l'époque. Et certaines personnes de couleur sont même des célébrités, le chevalier de Saint-Georges. Mon nom est Joseph de Bologne, mais on m'appelle le chevalier de Saint-Georges. Ma vie? Ah, ma vie. Quel opéra. Mes yeux se sont ouverts le jour de la Noël 1745 dans une habitation sucrière de Guadeloupe. La propriété appartenait à mon père, Georges de Bologne, héritier de riches commerçants hollandais. C'était le temps de l'esclavage, une source apparemment intarissable de lucre et de prospérité pour la nation française. Mon père, quant à lui, se distinguait par son humanité et le respect qu'il avait de ses esclaves, d'où la haine des autres colons. Certes, sa condition était privilégiée. Cependant, ma mère était quand même, aux yeux de la loi, privée de liberté, et elle appartenait à mon père. Ancien mousquetaire, il m'enseigna l'escrime. Viens vers moi. La main. Tierce. Prime. Septime. Comme mon père était musicien, il me fit également apprendre le violon. Escrimeur et musicien, le chevalier de Saint-Georges, présenté sur FR3. Enfin, sur France 3, pardon, parce que c'était en 2011, un documentaire de Claude Ribes. Et justement, pour évoquer tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les hommes, les femmes de couleur en France, en métropole, avant l'abolition de l'esclavage, Bernard Guénot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Alors nous évoquons le chevalier de Saint-Georges, bien sûr, grand escrimeur s'il en est. Bernard Guénot, vous portez une attention particulière justement sur la présence de ces hommes, notamment dans l'armée. Il y a un lien à faire entre la présence d'hommes noirs en France et puis les militaires. Oui, la présence des Noirs, des hommes de couleur dans l'armée ne date pas de la Révolution, elle est antérieure. Je pense en particulier aux volontaires de Saxe qui entouraient le maréchal à peu près au milieu du XVIIIe siècle. Mais c'était un rôle relativement marginal, en particulier il y avait beaucoup de musiciens, de tambours, etc., etc. Néanmoins, on voit avec l'approche de la Révolution que cette présence est de plus en plus manifeste à l'intérieur de l'armée et elle va devenir évidente à l'époque de la déclaration de guerre de 1792 et en particulier le lien avec la communauté des gens de couleur de Paris, environ un peu plus de 2000 personnes qui était présent à Paris dans les conditions qu'a rappelé Julie Duprat. Et ces hommes de couleur étaient engagés assez fortement dans les controverses politiques qui agitaient la capitale à ce moment-là, étaient bien intégrés dans les quartiers où ils habitaient, où souvent d'ailleurs un certain nombre d'entre eux avaient des commerces. Et tout naturellement, ils vont trouver un exutoire à cet engagement politique dans l'engagement militaire. Sous la pression d'un métis, j'hésite à employer ce terme de métis parce que je sais qu'il est inapproprié véritablement à la situation des sans-mêlés, de ce qu'on appelle aussi parfois les sans-mêlés, d'autres fois les mulâtres, enfin, tous ces termes sont un peu péjoratifs. Donc j'utilise le terme de métis pour qualifier à la fois des affranchis et puis des personnes qui sont nées la plupart du temps d'un père blanc et d'une femme de couleur, hein. Donc, sous la présence d'un de ces métis, qui était important, qui s'appelle Julien Raymond, eh bien, une formation d'Antillais de Paris, va voir le jour, qui s'appelle la Légion des Américains, ou bien, à d'autres moments également, comme c'était le chevalier de Saint-Georges qui va être placé au poste de lieutenant-colonel de cette formation, de cette Légion des Américains, eh bien, on l'appelle quelquefois aussi la Légion de Saint-Georges. Elle va être dirigée donc sur l'armée du Nord, et puis, à la suite de péripéties, elle va être scindée en deux parties. Une partie va partir pour la Vendée, et l'autre partie va être intégrée dans les troupes de l'armée du Nord, non plus sous la direction du chevalier de Saint-Georges, qui finalement n'était pas un grand militaire, hein, c'était une personnalité reconnue, importante à l'intérieur de la communauté des gens de couleur de Paris, mais c'était pas finalement un militaire au sens professionnel du terme. Et il va être remplacé par le général Dumas, Thomas-Alexandre Dumas, donc le père du romancier, qui va être véritablement lui faire une carrière professionnelle importante. Oui, parce que Bernard Guénot, vous nous citez effectivement ces solidarités entre personnes de couleur en France, en métropole, et puis des personnages qui se distinguent. Nous avons déjà évoqué le chevalier de Saint-Georges et vous nous présentez le général Dumas. Eh bien, le voici raconté par son fils. Mon père, nous l'avons déjà dit, à l'âge de 24 ans qu'il avait alors, était un des plus beaux jeunes hommes qu'on pût voir. Il avait ce teint bruni, ses yeux marrons et veloutés, ce nez droit qui n'appartiennent qu'au mélange des races indiennes et caucasiques. Il avait les dents blanches, les lèvres sympathiques, le cou bien attaché sur de puissantes épaules. Et malgré sa taille de 5 pieds 9 pouces, une main et un pied de femme. Ce pied surtout faisait damner ses maîtresses, dont il était bien rare qu'il ne pût pas mettre les pantoufles. Au moment où il se maria, son mollet était juste de la grosseur de la taille de ma mère. La liberté dans laquelle il avait vécu aux colonies avait développé son adresse et sa force d'une manière remarquable. C'était un véritable cavalier américain, un gaucho. Quant à sa force musculaire, elle était devenue proverbiale dans l'armée. Plus d'une fois, il s'amusa au manège, en passant sous quelques poutres, à prendre cette poutre entre ses bras et à enlever son cheval entre ses jambes. Olivier Martineau qui nous lisait un extrait des mémoires d'Alexandre Dumas, qui nous parlait de son papa. Justement, Julie Duprat, nous avons des destins comme celui de Dumas, grand-père, j'ai envie de dire tout simplement. Mais dans cette question de solidarité, de lien entre les personnes de couleur qui vivent en France, alors avant la Révolution, pendant la Révolution, avec cette étape majeure de l'abolition de l'esclavage sous la Révolution française en 1794, il y a malgré tout la question qui se pose des sources. L'historienne que vous êtes doit guetter la moindre source pour essayer de reconstituer des destins qui ne sont pas appelés à laisser beaucoup de traces. Mais c'est exactement ça. En fait, les sources autour de la présence noire en France, elles sont très très dispersées. Il y a qu'une source qui est spécifiquement dédiée à la présence noire en France. C'est un recensement qui a été demandé par l'administration et effectué en 1777. Donc ça, c'est un recensement qui ne porte que sur les gens de couleur. Et donc c'est la seule source qu'on ait qui soit spécifiquement tournée vers cette population. Sinon, l'historien doit effectivement avoir recours à des fonds qui sont par ailleurs très classiques en histoire. Mais changer son point de vue et y chercher des mentions de couleur pour arriver justement à rassembler un corpus et pouvoir comprendre le quotidien de ces populations sur le territoire métropolitain. Donc en vrac, par exemple, on va avoir les registres paroissiaux qui servaient d'état civil au XVIIIe siècle, avec les baptêmes, les mariages, les décès. On va également avoir les annonces de journaux. Il y a toutes les listes de passagers qui arrivent en France. Donc voilà, ça fait des corpus très très variés, mais c'est ça aussi, en tout cas j'ai envie de dire, le défi et l'intérêt, c'est de prendre ces corpus et puis d'essayer de guetter la moindre mention. Et c'est souvent là qu'on va trouver les choses les plus intéressantes. Et justement, dans ces sources, dans ces documents, prenons l'exemple des registres paroissiaux, est-ce qu'il y a la mention parfois de la couleur de la personne ? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs ce qui permet à l'historien de repérer ses actes, tout simplement. Après, il faut savoir qu'elle n'était pas non plus systématique. On observe, par exemple, qu'à partir du moment où les personnes, notamment métisses, ont acquis un certain, j'ai envie de dire, standing social, ou en tout cas ont une certaine richesse, souvent, il n'est pas fait mention de couleur en métropole, notamment. Et on va soit leur préférer la mention de créole, soit aucune mention du tout. C'est par exemple le cas de Julien Raymond et de ses frères et sœurs, qu'a cité tout à l'heure Monsieur Guénaud. Alors qu'aux Antilles, on les identifie clairement comme des afrodescendants, en France, on leur accolera jamais de qualificatif de couleur et on préférera le terme de créole, voire rien du tout. Ce qui fait qu'on a aussi conscience qu'il y a une partie de cette population qui passe entre les mailles du filet parce que dans les sources, elle n'est pas identifiée comme telle. C'est d'ailleurs une question qui vous intéresse vous aussi, Doan Buis, dans ce numéro des hors-série de l'Obs, l'esclavage, une histoire française, un gros numéro avec plein d'illustrations, mais aussi plein de paroles. Et nous sentons bien qu'il y a la volonté de laisser la parole aux esclaves. Oui, on a toute une partie qu'on a appelée voix d'esclaves où on s'intéresse justement au travail des historiens pour faire entendre ces vies, puisque comme le soulignait Julie Duprat, il y a cette difficulté de trouver ces sources archivistiques. Rappelons que les esclaves, quand ils étaient capturés en Afrique, on leur dérobait leur nom, on leur donnait après un autre nom. Donc vous avez affaire à des existences qui ont été complètement brisées, puisqu'en fait on enlève l'identité d'une personne. Et donc finalement on se retrouve à aller guetter des archives juridiques, des procès, et ce sont aussi des archives aussi tronquées, parce que parfois c'est via la voix des maîtres qu'on entend, ou les registres de plantation, qu'on entend parler, qu'on entend ces voix. Mais nous, il nous tenait à cœur justement de faire émerger ces destins-là. Et par rapport à la situation des Noirs dans l'Hexagone, tout à l'heure on évoquait Colbert. Donc, je voulais rappeler effectivement que on a affaire à, enfin, l'esclavage était une politique d'État, et tout comme il y a eu une politique fiscale, des abattements fiscaux par nombre d'esclaves transportés. En fait, il y a eu beaucoup de législation sur la présence de ces hommes de couleur en France, puisque, comme l'a rappelé Julie Duprat, il y avait cet édit médiéval qui était favorable à l'asservissement. Et à un moment, il fallait savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec ces Noirs en France, d'où beaucoup de textes de loi, la police des Noirs en 1777, et aussi l'interdiction des mariages mixtes, alors que de fait c'était quelque chose qui était impossible à mettre en place. Donc, alors je ne sais pas si vous avez vu la série qui se passe en Angleterre, Bridgerton, où on a une société mélangée. Quand on la voit, nous en tant que spectateurs, on se dit on n'est pas habitué en fait à voir une société d'ancien régime mélangé, métissé, alors que c'était une réalité, comme l'a rappelé Julie Duprat. Et c'était une réalité qui dérangeait l'État, puisqu'elle a essayé justement d'empêcher ces mélanges. Oui, bah d'ailleurs, il y a quand même quelque chose qui semble à de l'hypocrisie, Julie Duprat. C'est vrai que c'est très étonnant, hein. Nous parlons du process législatif qui cherche à discuter de la présence des esclaves. Alors, c'est interdit, il ne peut pas y avoir d'esclaves en France, mais la loi depuis le XIVe siècle l'interdit, l'Église l'interdit, ce n'est pas possible, mais malgré tout, la loi joue avec tout ça. Oui, oui, il y a une énorme hypocrisie, donc on le voit dans les lois il y en a trois, 1716, 1738, 1777, et on voit qu'il y a clairement une hypocrisie. La plus hypocrite de toutes, je pense, c'est celle de 1777, puisque pour faire en sorte que cette loi soit validée sur l'ensemble du territoire métropolitain, le mot d'esclave ne va jamais être prononcé, alors que c'est clairement la réalité qui est visée dans la mise en place de cette loi. Donc il y a clairement une hypocrisie qui est d'autant plus importante que ces lois, elles sont faites par les élites judiciaires, et que ces mêmes élites, souvent, ce sont celles qui possèdent les esclaves et qui vont avoir tendance à ne pas trop respecter ces lois-là. C'est-à-dire qu'eux, ils s'arrangent bien du fait qu'on encadre la venue des esclaves en France et qu'on puisse leur garantir que leur esclave reste sous ce statut. En revanche, ils ne s'accommodent pas trop des différentes obligations administratives qu'on leur demande. Par exemple, enregistrer l'esclave à l'amirauté, ou faire en sorte que l'esclave ne résiste pas plus d'un certain nombre d'années en France. Tout ça, on se rend compte que régulièrement, ces mêmes élites, elles ne vont pas vraiment le respecter. Elles vont en faire un petit peu à leur sauce. Donc il y a clairement une grosse hypocrisie, c'est-à-dire des textes de loi qui sont édictés, qui ne sont pas vraiment respectés, des gens de couleur qui arrivent toujours plus nombreux sur le territoire métropolitain. En fait, vraiment, le XVIIIe siècle, c'est l'histoire de lois qui sont promulguées, mais qui ne sont jamais vraiment appliquées. Même celle qu'on vient de citer sur l'interdiction des mariages mixtes, comme le rappelle Duane Buis, elle a été édictée dans un premier temps, c'est parce que ce phénomène existait, mais on se rend bien compte qu'en fait, assez vite, ils n'ont pas vraiment le pouvoir de contrôler, de contrôler ces mariages-là, de pouvoir les interdire. Et moi, à Bordeaux, par exemple, j'ai des tas de mariages mixtes qui se tiennent quand même après cette interdiction formelle en 1778. Donc c'est effectivement un grand siècle d'hypocrisie, et il faut le garder en tête. Il faut le garder en tête, et puis c'est vrai qu'il faut déconstruire l'image que nous avons d'une société extrêmement monochrome pour le XVIIIe siècle, et notamment dans les grands ports, avec toujours cette question de ce que vous nous évoquez, Julie Duprat, qui peut toucher à la sphère du privé. Alors là, nous parlons du mariage, nous pouvons évoquer aussi les petits commerces, mais vous, Bernard Guénot, vous nous livrez une passionnante étude, hein, les officiers de couleur dans les armées de la République et de l'Empire, de l'esclavage à la condition militaire dans les Antilles françaises, et toute votre réflexion sur l'Empire colonial de Richelieu à Napoléon, ça c'est un ouvrage publié chez Armand Collin, et bien toute cette réflexion se tient avec un autre cadre. Nous avons des officiers, donc cette fois-ci, puisqu'il s'agit de militaires, il y a un regard particulier du pouvoir. Votre étude commence en 1792. Nous sommes avant l'abolition de l'esclavage. Est-ce que l'abolition de l'esclavage sous la Révolution française est une énorme rupture pour ces militaires de couleur ? Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur les sources pour évoquer également les contrats, les minutes notariées, qui sont également une source tout à fait importante pour connaître la condition de ces gens de couleur en métropole, et en particulier l'occasion de saluer le travail remarquable qui est fourni par le site Généalogie et Histoire de la Caraïbe, sous la direction de Bernadette Rossignol et Pierre Bardin, qui est une source extrêmement importante enfin pour une bonne partie des chercheurs sur ces questions de l'esclavage et de la présence des gens de couleur en métropole. Alors, pour ce qui est du rapport entre l'abolition et la condition militaire, je rappelle une fois de plus que la présence des Noirs dans l'armée remonte à avant la Révolution, donc avant à la période de l'abolition. Il me semble que le lien avec l'abolition de l'esclavage n'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser, parce que dans l'armée française, la question de l'avancement professionnel n'était pas du tout liée à cette question de statut, mais était liée à la question du mérite individuel, dès avant la Révolution. Par conséquent, il a pu y avoir, on l'a vu avec Dumas, il a pu y avoir, avant l'abolition, une période où les promotions d'avancement militaire, la promotion de carrière, étaient tout à fait indifférentes aux questions de couleur ou de statut. Je citerai en particulier une bonne partie du personnel militaire de la Révolution aux Antilles, à Saint-Domingue, qui va être lié à une expédition dirigée par, au moment de la guerre d'Amérique, dirigée par l'amiral Charles Destin sur la ville de Savannah. Et le corps expéditionnaire français sur Savannah était composé d'une légion, d'un groupe de plus de 500 militaires de couleur qui par la suite vont connaître une promotion importante, soit dans les milices quand ils vont rentrer au pays, soit même pour certains d'entre eux au moment de la Révolution dans l'armée française. Donc cette expédition de Savannah est en quelque sorte une date importante précisément pour l'avancement de carrière des gens de couleur et qui est bien antérieure à la Révolution. C'est ce qui est passionnant hein, d'ailleurs de regarder ces deux chronologies, hein, celle de la décision politique, l'abolition de l'esclavage en 1794, et puis la réalité de ce qui se passe, et ben en l'occurrence dans les armées, aussi tout simplement dans les îles, avec cette question du rétablissement de l'esclavage voulu par Napoléon Bonaparte, premier consul en 1802. Et là aussi, c'est une véritable question qui se pose Bernard Guénot pour ces officiers de couleur. Quel est le rapport de Napoléon à ces officiers de couleur? Alors, nous avons cité le général Dumas, mais il n'y a pas qu'un seul homme dans cette armée. Bien sûr, mais enfin, l'inimitié entre Dumas et Bonaparte, qui date de la campagne d'Égypte notamment, n'était pas liée à des questions de couleur, il faut être clair, c'était lié à des question de clan, de clientèle à l'intérieur de l'armée. Il se trouve que le général Dumas n'était pas du tout lié à la clientèle de Bonaparte, mais plutôt à la clientèle de Kléber, et que les deux étaient en rivalité. Alors pour ce qui est de la période dont vous parlez, c'est-à-dire la période du rétablissement de l'esclavage, dans la séquence chronologique 1800-1804-1806, il est vrai qu'il y a une forme de rupture par rapport à cet avancement des gens de couleur dont je parlais auparavant, c'est-à-dire que dans la conjoncture des événements de Saint-Domingue et des événements de la Guadeloupe, surtout des événements de la Guadeloupe en fait pour la question de l'armée française, eh bien les officiers et les soldats de couleur d'une façon générale vont être relégués dans une position qui est subalterne, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Un certain nombre d'entre eux, notamment les Guadeloupéens, qui vont être déportés de leur île à la suite des événements dramatiques qui ont eu lieu autour du rétablissement de l'esclavage, eh bien, vont être relégués dans un bataillon, le bataillon des pionniers noirs, qui est un bataillon. En fait, les pionniers, c'était des ouvriers du génie, de l'arme du génie, qui étaient occupés au terrassement. Donc, ils vont être relégués dans une position qui est une position relativement subalterne, relativement méprisée. Eh bien, néanmoins, allez-y, Bernard Guénot. Néanmoins, il faut souligner que c'est une parenthèse et que par la suite, eh bien, il va y avoir une forme de réhabilitation. Notamment, ces pionniers noirs vont participer au siège de Gaète, le deuxième siège de Gaète en 1806, et il va y avoir une véritable réhabilitation militaire, puisque Murat, par la suite, Joseph d'abord, puis Murat, vont promouvoir ce régiment au statut de garde d'honneur, en quelque sorte, sous le nom de Royal Africain. Le Royal Africain, effectivement, Murat, roi de Naples, et le régiment noir, Bernard Guénot. Mais à vous écouter, vous, en nous parlant de l'armée, Julie Duprat, en nous parlant notamment de Bordeaux, nous saisissons le contraste très fort de situation des Noirs. Alors, il y en a dans l'armée, il y en a qui vont vivre dans Bordeaux et cela ne pose pas de problème. Et puis, il y a la réalité même de l'esclavage. Dohan Buy, dans ce numéro du hors-série de l'Obs, Esclavage, une histoire française, vous avez choisi de mettre en couverture, mais il y a un portfolio à l'intérieur, de photographies d'un artiste belge, il s'appelle Fabrice Montero, qui a fait reproduire par des forgerons les... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, les instruments de torture. C'est une horreur utilisée sur les esclaves. Vous nous expliquez de quoi il s'agit ? Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que Fabrice Montero est lui-même descendant d'esclaves. Donc c'est un travail qu'il a fait sur ses origines. C'est pour ça qu'il a tenu à faire cette série de photos au Bénin où il a grandi. Et en fait, il a, après avoir étudié au Quai Branly des plans d'entraves, il les a fait reproduire par des forgerons au Bénin. Donc dans ces entraves, il y a un collier à clochette pour avertir et empêcher toute tentative de fuite, donc de marronnage. Il y a un masque de fer qui empêche les esclaves dans les plantations de se rassasier en mordillant les cannes à sucre ou tout simplement de manger. Et ce que Fabrice Montero nous a expliqué, qui était assez... quand on parle du fait que le passé ne passe jamais, il a eu beaucoup de mal à organiser sa séance photo, parce que dans cette les modèles avaient peur de mettre ces entraves parce qu'elles étaient chargées d'une quelque chose de presque maléfique. Et en fait, il s'est rendu compte que quand il leur mettait les entraves, l'expression même en fait de ces modèles changeait. En fait, c'est un peu comme si au moment où ces entraves qui reproduisaient ces instruments de torture étaient mis sur le modèle, il avait voyagé 3 siècles auparavant. Donc effectivement, on a été très frappé par ce travail artistique qui rejoint en fait d'autres articles qu'on fait et à partir de travaux d'historiens sur les marrons, puisque en fait comme vous le soulignez tout à l'heure, il nous a importé de faire entendre ces voix d'esclaves, voix aussi de fugitifs, puisque très souvent on a vu l'esclavage comme d'abord une machine, mais en oubliant les principaux concernés. Donc c'est 1,4 million de personnes qui ont été déplacées. Et puis avec toutes les personnes qui sont nées pendant cette période de l'esclavage, donc il y a à peu près 2,5 millions. Donc si on additionne les deux, ça nous fait quand même plusieurs millions de personnes concernées par l'esclavage sur les territoires français. Et puis ces personnes présentes en France dans la métropole, c'est vrai que sur ce dossier des hors-série de l'Obs, c'est quand l'on voit ces photographie de Fabrice Montero avec des colliers, en fait, des colliers avec des tiges de fer pour empêcher simplement la personne de courir et de pouvoir s'enfuir. On sent la violence de la situation. Mais Julie Duprat, j'ai été surpris lors d'une ancienne visite au musée d'Aquitaine à Bordeaux, du temps où vous pouvez visiter les musées. Il y a tout un espace qui est d'ailleurs consacré à la traite elle-même. Et puis même, il y a cette évocation de la présence, de l'idée même qu'il y avait beaucoup de Noirs à Bordeaux et que cela ne posait pas de problème particulier au sens où c'était une population un peu méfiante et à raison et qui ne posait aucun souci. Alors, ça, en fait, c'est un nouveau champ de recherche qui mériterait d'être plus profondément étudié. En fait, pour tout simplement pour répondre à cette question de manière plus précise, il faudrait qu'on se penche sur les archives judiciaires. Ça, c'est un travail qui demande encore à être fait. Mais ce qu'on observe effectivement, c'est que pour l'instant, de ce qu'on peut voir, il n'y a pas énormément de cas d'esclaves qui sont emprisonnés, notamment pour des méfaits. En fait, les principaux moyens de résistance qui vont être mis en place par les esclaves, c'est un moyen qui a déjà été évoqué par Duane Bui, c'est la fuite, le marronnage. Et ça, c'est peut-être la forme de révolte qu'on observe le plus, c'est-à-dire des esclaves en fait, qui quittent le domicile du maître et qui vont essayer de se fondre dans la masse du port pour s'enfuir, soit en s'engageant sur des bateaux, soit même en allant dans d'autres villes. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de mentions d'esclaves emprisonnés pour vol, pour tout un tas de choses. Donc, la vision qu'on en a pour l'instant, c'est que c'est une population qui est assez bien, j'ose pas dire intégrée, mais en tout cas, c'est une population qui vit à Bordeaux sans poser trop de problèmes, même si effectivement, il faut bien avoir conscience que c'est aussi une population qui est exploitée en fait dans beaucoup de ces familles et qu'ils n'ont pas forcément les ressources et les moyens justement de pouvoir être autonomes et Et avec l'absence de sources, Julie Duprat, il faut faire quelques hypothèses. Est-ce qu'on peut imaginer un peu que l'histoire sociale se mêle à cette question et quand le maître revient des îles avec son esclave, l'esclave va manger en cuisine, il rencontre les autres domestiques qui lui disent « Ben non, ici t'es libre, il n'y a pas d'esclavage ici. » Ben ça, c'est clairement une peur qui est exprimée par de nombreux colons. Le fait que lorsqu'ils reviennent aux Antilles, les esclaves puissent être, en tout cas, puissent témoigner de leur vie en métropole, qui était forcément différente de la vie aux colonies. Ça, c'est une peur qu'on va retrouver tout au long du 18e siècle. Même au début de la Révolution, on observe qu'il y a une tentative d'empêcher les gens de couleur de repartir aux Antilles parce qu'on se dit qu'ils vont venir alimenter la révolte alors en cours à Saint-Domingue. Et d'ailleurs, c'est une vision qu'on observe chez les esclaves eux-mêmes. Beaucoup arrivent en France en pensant vraiment que la France, ça va être un grand espace de liberté qu'ils vont pouvoir saisir. Du coup, c'est plus ou moins vrai en fonction des destins. Mais voilà, il y a quand même cette idée générale que le territoire métropolitain serait un espace-temps où une émancipation pourrait avoir lieu, en tout cas des tentatives d'émancipation. Et en tout cas, un champ de recherche passionnant sur la présence des personnes de couleur en France avant l'abolition de l'esclavage, après aussi. Merci à tous les trois. Merci Bernard Guénaud. Les officiers de couleur dans les armées de la République et de l'Empire et puis l'Empire colonial français, ce sont vos ouvrages. Merci aussi Julie Duprat. Et l'on attend la lecture de votre thèse sur la présence noire à Bordeaux. En tout cas, vos travaux. Et merci aussi Doane Bui pour nous avoir présenté ce numéro des hors-série de l'Obs, Esclavage, une histoire française. Il est temps maintenant, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors vous avez revu La vie et rien d'autre du regretté Bertrand Tavernier. C'est la chronique d'un pays en deuil au lendemain de la Première Guerre mondiale que nous proposait Bertrand Tavernier en 1989 dans La vie et rien d'autre. Avec son érudition historique et les intuitions qu'il en tirait, le réalisateur interrogeait les blancs de l'histoire, les manières d'être et de faire, pour nous proposer sur grand écran les trajectoires croisées de deux femmes à la recherche de leur amour perdu dans les tranchées. Deux femmes accueillies sur les champs de bataille désertés de l'Est de la France par le commandant de la Plane, en charge de ranger la guerre après sa fin. La grande bourgeoisie, incarnée par le personnage d'Irène de Courtil, y rencontre l'institutrice Alice qui se soutiennent pour scruter les effets personnels retrouvés dans les charniers à ciel ouvert, à la recherche d'un objet minuscule, une tasse ou une chevalière, qui signalerait que les hommes qu'elles attendent encore ont terminé leur parcours ici. Leur quête interroge de la Plane, chargée de lister, d'identifier, de restituer les soldats disparus, une tâche obsessionnelle, un décompte permanent, devenu son enjeu primordial, une obsession qui lasse ses supérieurs rendus insensibles aux 20, 50 ou 250 000 matricules sans corps parmi le 1,5 million de morts sur les champs de bataille. Alors de la Plane, vous me laissez me démerder tout seul ? J'étais en panne, mon général. Vraiment ? En panne de quoi ? En panne de tout. Les protagonistes de La vie et rien d'autre sont coincés dans la tranchée du deuil pour y rester à jamais ou pour y trouver le sursaut qui leur permettra de quitter cet état et de poursuivre leur parcours après avoir trouvé une manière de dire au revoir aux disparus et à la vie d'avant déjà si loin. Trois deuils intimes qui côtoient l'invention du soldat inconnu en 1921, un nouveau mode de deuil national qui engage un quatrième personnage, le comique acide du film, le capitaine Perrin, aux prises avec la quête d'un soldat véritablement inconnu et véritablement français, un pari délicat dans le cosmopolitisme de cette hécatombe où les nationalités n'ont plus vraiment d'importance. Cette opération est placée sous votre seule responsabilité. Amour. Et vous n'allez pas me mettre un anglais sous l'Arc de Triomphe, hein, ou un Bosch. Bertrand Tavernier reconstitue la scène du choix du soldat inconnu qu'Auguste Thin, un ancien combattant, choisit parmi 8 cercueils disposés devant lui. Un moment solennel au possible et un choix simplement guidé par l'addition des chiffres du numéro de son régiment, parce que ce choix est impossible lorsqu'il n'y a plus d'histoire individuelle attachée aux dépouilles masquées par le bois et les fleurs. Une cérémonie insupportable aux yeux de Delaplane qui compte toujours et sans relâche les disparus. Ça ne vous intéresse pas ? Ça me désole. Mais eux, ça les rassure. Ils en ont fait tuer 1 500 000. Mais maintenant, on ne pensera plus qu'à celui-là. Alors que l'on s'interroge sur la pertinence et la forme d'un hommage national aux victimes de la Covid, que les familles endeuillées demandent surtout le rétablissement des rituels funéraires élémentaires, c'est à ça que nous sert aujourd'hui la vie et rien d'autre, à prendre conscience que les gestes transmis ont leur utilité, que les moments d'émotion collective tiennent leur rôle, mais qu'au final, c'est l'accumulation des deuils intimes qui écrit cette histoire du temps présent. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Michael Simon, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Toute la semaine, nous avons visité les Amériques avant l'Amérique, avant Christophe Colomb. Des émissions à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et la semaine prochaine, nous allons danser une histoire de la danse. Danser antique, danser en toge, branle, passe-pied, bourré, la danse traditionnelle. Véritable plaisir de la danse. Et demain, samedi à 10h, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet, qui est toujours un aussi bon danseur, nous emmène valser avec Gustave Flaubert.